Le 14 courant, en Corée du Sud, il y a eu la deuxième action pan-nationale en présence de 150 000 habitants sous les auspices de l'action de la population extraordinaire pour la démission du pouvoir de Park Geun-hye. À Séoul, sur la place de Gwanghwamun, a eu lieu un meeting à la bougie sous thème « Journée de la deuxième action pan-nationale pour la démission immédiate, la révocation accélérée et l'arrestation des auteurs de la politique conspiratrice et chef de file des plutocrates ». Avant le rendez-vous, les manifestants ont tenu les funérailles d'un bouddhiste mort dans l'hôpital après qu'il s'est immolé par le feu pour la démission de Park Geun-hye et la justice et le service à la mémoire du martyr Park Chung-chul, mort par la torture féroce des autorités policières fascistes il y a 30 ans. Les actions pan-nationales se sont déroulées simultanément partout en Corée du Sud.